Il faut voir que n'importe quoi sur Facebook, fais attention sur Internet, il y a des trucs, on va dire, les plus, un peu plus graves de la réalité, on va dire. Là, explique à nous qu'il y a des pédophiles, par exemple, n'importe quoi. Nous n'est pas à l'abri sur Internet, nous n'est pas à l'abri de quelque chose. D'accord, et vous ne savez pas tout ça? Non. Faut oublie pas d'aller dans le paramètre, parce que bonne photo que tu envoies, c'est pour les bonnes camarades, mais pas pour tout le monde, tu vois. Alors partage, fais attention avec qui ça tu partages ça et mettre pas n'importe qui dessus. Il faut pas à chaque instant poster par exemple des photos ou qu'on ne met pas privé, sinon tout le monde peut voir et même on peut avoir des problèmes. Sur Facebook, faut faire attention à des gens qui sont des pédophiles, des trucs comme ça. Il faut pas partager des trucs sexuels, faut faire très attention. Témoignage recueilli au micro Réunion Première de Patrick Ramoudou et la quatrième édition de ces rencontres de la sécurité a donc débuté ce matin dans l'Est. Elle va se poursuivre jusqu'à samedi avec des opérations organisées dans le Sud et dans le Nord. Après l'agression de deux enseignants la semaine dernière au lycée Jean Inglot du Port, plusieurs organisations syndicales dénoncent des violences de plus en plus fréquentes dans les établissements professionnels notamment. Ce matin au lycée L'Horizon dans le quartier du Moufia à Saint-Denis, une vingtaine de professeurs a débrayé pendant une heure et s'est rendu devant les grilles du rectorat pour protester contre la dégradation des conditions de travail des enseignants. Une délégation a été reçue par le recteur. Velayudom Marimoutou a donc écouté les doléances des enseignants, mais pas sûr que cela permette de bouger les lignes, selon Jean-Paul Paquet. Délégué syndical Force ouvrière éducation au lycée L'Horizon. Il est avec Priscilla Etève. Ce sont des grands discours, toujours pareil. Donc voilà, le recteur est là pour mettre en place la politique du gouvernement. Il nous a vanté encore sa loi, la loi de refondation de l'école. Donc bon, on sait très bien où ça mène. Voilà les conséquences aujourd'hui d'une loi qui a été mal faite, qui a été imposée contre l'avis des personnels. Aujourd'hui, on paye un peu de ça. Il nous a fait clairement comprendre que l'ouverture des sections en CAP, ça ne relevait pas de lui, mais plus de la région. Et ensuite, il a dit dans le cadre de la politique éducative qu'il y a un gros travail à faire dans le primaire. Oui, mais pendant ce temps, nous, on subit cette violence et on nous demande quand même à avoir des réponses rapides sur nos demandes, par exemple sur l'orientation, que les élèves aient vraiment les moyens pour bien travailler. Parce qu'ils se sentent très très bien en lycée professionnel et il ne faut pas leur confisquer ça. Je vous le disais dans les titres, attention, si vous habitez à Saint-Benoît, ne consommez pas l'eau du robinet, vous risquez une gastro-entérite. L'Agence régionale de santé a relevé depuis un mois des parasites intestinaux dans les captages. Cette annonce concerne les secteurs Abondance, Olympe, Rivière des Roches et également le centre-ville de Saint-Benoît. Les explications de Patrice Sely, il est adjoint au maire de Saint-Benoît. Nous avons reçu une information de la part de l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui nous a informé que suite à un contrôle habituel qu'elle réalise sur les distributions d'eau dans les différentes communes de La Réunion, elle a détecté la présence très faible d'une bactérie et elle nous a demandé effectivement de communiquer auprès de la population pour émettre des préconisations. C'est quoi cette bactérie? Qu'est-ce qu'elle provoque? Alors il s'agit du Giardia qui peut provoquer des diarrhées, notamment chez des personnes fragiles, les femmes enceintes ou les enfants ou les personnes malades de manière générale. Donc les consignes qui sont données sont très claires et elles sont habituelles. Il s'agit d'éviter de boire l'eau du robinet et de favoriser, privilégier l'eau en bouteille ou sinon de faire bouillir l'eau du robinet au moins pendant une durée de 3 minutes. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Certains consacrent tout leur temps libre depuis un an ou plus pour se préparer à l'événement. Le compte à rebours est lancé pour les 5000 coureurs qui s'élanceront sur les trois courses du Grand Raid 2016. C'est dans deux semaines exactement que sera donné le départ de la Diagonale des Fous sur le front de mer de Saint-Pierre. L'heure est donc au dernier préparatif pour les trailers. Ils ont pour la plupart déjà tout le nécessaire en termes d'équipement, mais certains effectuent encore quelques achats pour compléter leur trousseau. Et pour les séduire, les magasins de sport n'hésitent pas à casser les prix en ce moment. Priscilla Etève est allée dans une boutique de Saint-Pierre. On écoute son reportage. Shorts, t-shirts, chaussures, sac à dos ou encore lampe frontale, toute la panoplie du trailer est mise en rayon depuis un bon moment dans ce magasin de sport Saint-Pierrois. C'est loin d'être le grand rush, pas de quoi inquiéter Christophe Doll, le directeur. Il y a aussi les participants qui arrivent de l'extérieur, qui vont être plutôt basés dans le sud à Saint-Pierre et donc qui vont venir chercher les 2-3 petits trucs pour se rassurer encore une fois et qui viendront dans le magasin. Ou alors les sportifs s'y prennent très tôt. C'est le cas de Bernard, participant du Grand Raid depuis une vingtaine d'années. Il lui manque juste une petite pièce pour compléter sa tenue. Il a chassé le short. Niveau chaussures, c'est depuis 3 mois, maintenant, tous mes trucs, on entraîne avec. Il faut entraîner avec les chaussures, il faut qu'ils changent au dernier moment. Il faut adapter de pied aux chaussures. Même chose pour Christine, qui court son premier trail de Bourbon cette année. Depuis quelques jours, là, ça y est, j'ai mon équipement au complet. Un sac à dos, une poche à eau et un peu de nourriture. C'est un budget. Et un sacré budget même pour Christine et Bernard. 500 euros, facile, oui. Au moins 800 euros. De quoi faire sourire certains commerçants, mais pour ce magasin de sport Saint-Pierrois en tout cas, le Grand Raid est loin d'être la meilleure période. Il ne représente que 5% de son chiffre d'affaires annuel. Reportage signé Priscilla et Thève. Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio dans la catégorie des moins de 100 kilos, Cyril Marais est de passage à La Réunion pour quelques jours avec son kimono, qui est comme une seconde peau pour lui. Le judoka partage son expérience avec les petits et les grands. On parle souvent des valeurs du sport, mais le judo est certainement l'une des disciplines les plus régulièrement citées quand on parle morale, valeur et fair play. Cyril Marais en a parlé au micro Réunion Première de Johnny Lérivain. C'est sûr qu'on a la chance de faire un sport qui véhicule de très très belles valeurs. Moi, pour ma part, j'ai reçu beaucoup en étant plus jeune, un peu comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de donner aux plus jeunes. On fait partie de l'équipe de France, on est des champions tout simplement. Et ça, je l'ai reçu quand j'étais plus jeune et ça me fait plaisir aussi de donner un petit peu aux jeunes. Cyril Marais, judoka médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio, était au micro Réunion Première de Johnny Lérivain. À Paris, l'entrée dans l'automne est chaque année synonyme de Fashion Week et c'est une coutume. Le début de cette folle semaine de la mode est marqué par la présence de jeunes créateurs. Et parmi eux, Arnaud Warraud. Ce jeune réunionnais de 25 ans vient de présenter sa nouvelle collection des modèles haute couture, inspirée pour certains de notre île. Alain Rosalie a rencontré Arnaud Warraud. Écoutez son reportage. Du haut de ses 2m04, Arnaud Warraud n'a pas choisi le basket. Ce réunionnais, fraîchement diplômé de l'École supérieure des arts et techniques de la mode, vient de présenter sa nouvelle collection. 9 tenues, toutes de couleur blanche, des robes, des vestes, des pantalons, des tailleurs, tous travaillés différemment. Dans mes codes, il y a beaucoup de plis, de jeux de superposition, et je mets un point d'honneur à travailler à chaque fois les matières. Mettre des dalles de satin à côté de l'organza, enfin, c'est vraiment des contrastes, je pense, qui sortent de l'ordinaire. Le Marmaille de Saint-Paul tente de faire naître une nouvelle vision de la femme. Entre son désir de pouvoir et d'élégance, à la fois moderne et traditionnelle, la femme idéale pour Arnaud Warraud est... Une femme de caractère, une femme de contraste, qui aime beaucoup de choses différentes, qui aime à la fois avoir un style plein d'assurance que peut offrir un tailleur bien structuré, ou alors des tenues beaucoup plus féminines et suggestives, comme des tissus transparents. Une femme qui est très éclectique. Présenter un défilé durant la Fashion Week est souvent un bon moyen de se faire connaître et de récolter les premiers avis du public. Quand on a vu les réactions des spectateurs et toute l'émotion que ça a engendré, on était très fiers. Ouais. L'euphorie passée, Arnaud Warraud, qui a découvert son île à 13 ans, caresse maintenant le rêve d'entrer dans le club très sélect des jeunes couturiers de talent. Nous sommes jeudi, ce soir, Jean-Paul Mélade vous donne rendez-vous à 18h15 pour Culture Première, le magazine culturel de la rédaction. Il recevra ce soir Raphaël Buot de la Cité des Arts, Isabelle Pillot du théâtre Les Bambous et Laura Damour du Séchoir pour le spectacle Allons Enfants. On fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault en mission à Moscou puis à Washington. Il va tenter de réchauffer les relations diplomatiques entre les Russes et les Américains pour arracher une trêve en Syrie. La France va déposer une résolution à l'ONU pour un nouveau cessez-le-feu. Le démantèlement de la jungle de Calais devrait avoir lieu dans une dizaine de jours, d'après le défenseur des droits Jacques Toubon, qui s'inquiète du sort des milliers de migrants entassés dans ce bidonville, notamment les enfants et les adolescents non accompagnés. Rien n'est prêt, selon lui, pour les accueillir. Des émeutes à Bastia, 7 policiers ont été blessés hier soir dans des affrontements avec des jeunes. Des échauffourées ont éclaté après les réquisitions au procès de 3 nationalistes corses jugés pour l'attaque contre la sous-préfecture de Corté. Bastia redoute de nouvelles violences ce soir alors que le verdict est attendu dans la journée. La politique, Nicolas Sarkozy est à nouveau distancé par Alain Juppé. En tête au premier tour, le maire de Bordeaux remporterait la primaire de la droite haut la main en finale avec 53% des voix. Sondage Harris Interactive pour France Télévisions. Et puis en football, le président de la FIFA confirme qu'il souhaite une Coupe du Monde XXL à 48 équipes avec des matchs à élimination directe avant la phase de poule. D'après Gianni Infantino, ça serait plus spectaculaire. France Info. Il est midi et 13 minutes sur Réunion Première. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le 12-13 continue avec aujourd'hui un débat sur les punitions et cette question, où se situe la limite entre sanctions et maltraitance? Et cette question Antoine, on se la pose évidemment après l'affaire de la vidéo postée sur Facebook. Ce qui est sûr, c'est que la violence, c'est pas une solution, tous les spécialistes de l'enfance le disent. Est-ce que vous réussissez à dialoguer chez vous avec vos enfants ou alors il vous est arrivé de les corriger? Vous nous le dites dès maintenant au 02 62 99 2000 et nos invités vont réagir également à cette vidéo, à cette violence d'ici 3 minutes. Pluie ou soleil cet après-midi? Ingrid pour la réponse. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire nouvelle génération. Ah bah alors là, pour la réponse, Philippe, tout, c'est déjà tout fait. Hein. Toujours de la pluie dans l'Est et le Nord-Est, et même dans l'Ouest, des précipitations sont attendues. Du coup, faute de soleil, les températures sont en baisse. Il est prévu entre 25 et 27 degrés en bord de mer, et entre 13 et 16 degrés au volcan. Le vent reste soutenu, avec des rafales de 60 à 70 km/h entre la Grande Chaloupe et Saint-Paul, et de Sainte-Rose à Saint-Philippe. La mer est agitée à localement forte dans les secteurs ventés, et elle est belle à peu agité partout ailleurs. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire nouvelle génération. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Grâce au microcrédit et à l'accompagnement des équipes de l'ADI, il est possible de créer ou développer sa propre entreprise avec un microcrédit. Rendez-vous avec l'ADI et ses partenaires du 10 au 14 octobre 2016. OT, microcrédit aide à ouvrir de boîte. Plus d'infos au 0969 328 110. Appel non surtaxé. Ensemble l'ADI, Nena l'avenir. La région Réunion lance le POP nouvelle génération. Let's go ! Le POP 2. POP 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon POP est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. POP 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon POP 2? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Première. Midi 16 sur la première. Quelle limite pour les punitions envers les enfants? C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Plus d'un demi-million de vues en 24 heures. La vidéo postée par une maman qui corrige son fils de 16 ans a suscité un énorme buzz bien au-delà de Saint-Pierre où la scène a été filmée et diffusée en direct sur Facebook. Ce qui vaut à cette mère de famille de devoir rendre des comptes à la justice. Elle devra surtout s'expliquer sur les coups de ceinture infligés à son garçon, à un ado convoqué par un magistrat pour vol aggravé. Et c'est précisément cette convocation qui a fait sortir cette Saint-Pierroise de ses gonds. De là à humilier ce jeune homme devant des milliers d'internautes, il y a un pas qu'elle n'a pas hésité à franchir. Mais alors, comment réprimander un enfant qui sombre dans la délinquance? Est-ce que le dialogue dès le plus jeune âge garantit que le marmaille restera dans le bon chemin? Comment fixer des limites aux adolescents? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première. Philippe Dornier. 02 62 99 2000. C'est le numéro que je vous invite à composer dès maintenant pour participer à notre émission, également par texto 06 92 70 2000. Et puis on a déjà des premières réactions via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et vous avez la possibilité de le faire également par Twitter avec le hashtag CDLA Première. Nous avons trois invités avec nous ce midi. À mes côtés, Marie-Thérèse Huette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service d'accueil en famille au département, c'est-à-dire les enfants qui sont placés lorsqu'ils sont en danger dans leur famille. Et puis en duplex de notre studio de Saint-Pierre, Marie-Josée Richard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la déléguée départementale d'enfance et partage, une association. Et à vos côtés, toujours à Saint-Pierre, un médiateur familial, Johan-Elisabeth Ménager. Bonjour. Bonjour. Alors si la question des punitions revient en force dans le débat, c'est évidemment parce qu'il y a cette vidéo, cette maman qui l'a postée, une mère de famille qui tient à expliquer la correction infligée à son fils de 16 ans. On l'entendra dans un instant. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Cécile Marie-Thérèse Huette ? En fait, cette mère, je pense qu'effectivement, elle a été excédée par les comportements donc de son fils, et on peut en fait entendre et comprendre donc qu'elle veuille arrêter ses agissements, mais c'est vrai que la correction, en tout cas, et là c'est pas seulement, c'est vraiment une correction qui est grave, qui a été médiatisée, elle n'est peut-être pas et elle n'est certainement pas donc la solution. Ceci d'autant plus qu'au niveau du département, là il y a beaucoup de possibilités donc d'aide, d'accompagner les familles qui sont en difficulté éducative, soit en fait donc dans, on va dire, lorsque les familles elles-mêmes nous sollicitent, ou lorsqu'elles ne le sont pas d'accord, elles ne sont pas d'accord, il y a avec la possibilité en fait de demander une intervention judiciaire pour que soit le service du département, soit des associations qui sont habilitées par le département puissent donc intervenir et proposer vraiment un soutien éducatif donc à ces familles en difficulté. Or, cette mère de famille dont on parle, hein, et dont il sera question tout au long de cette émission, évidemment en filigrane, elle tient à expliquer la correction qu'elle a infligée à son fils de 16 ans. C'est impossible de le dire parce qu'on peut juste dire que sur ces trois... Non, alors c'est pas ça, c'est un autre extrait, on va l'entendre tout à l'heure. Marie-Josée Richard, est-ce que vous êtes surprise par cette violence ? De voir une mère taper son fils comme ça. Ah, tout à fait. Autant je peux, j'ai vu effectivement la colère que le comportement de son fils a pu générer chez cette femme, et je trouve que cette colère effectivement c'est son émotion et elle peut être très juste, mais c'est de déposer cette colère sur son fils par les paroles humiliantes et les dévalorisantes et les coups. Là, qui pour moi me pose problème, parce qu'effectivement, c'est pas en donnant des coups et en donnant de la violence que les choses vont pouvoir s'arranger. Et c'est au contraire cette violence qui va entraîner de l'opposition et de la violence chez son fils ou de la soumission. Voilà, donc la colère pour moi en soi est juste, puisqu'effectivement, elle est par rapport à un comportement qui est dérangeant pour elle. Mais c'est la manière, effectivement, qu'elle a de gérer la colère qu'elle a. De votre côté, Johan-Elisabeth Ménager, je rappelle que vous êtes médiateur familial. Votre regard déjà sur ce phénomène, sur ce buzz ? Moi, je pense que déjà, il faut prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de cette mère qui a eu cette réaction. Maintenant, c'est l'occasion, je pense, de réfléchir, d'entamer une réflexion, une prise de recul par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des moyens maintenant de communication qui peuvent être mis en place pour éviter d'en arriver là. Maintenant, je ne condamne pas cette mère, ce n'est pas mon travail, c'est à la justice de le faire. Le procureur a rappelé quand même que certains faits, la gravité, c'est parce qu'il y a l'utilisation d'un outil, d'une ceinture. Et puis dans un deuxième temps, il y a la diffusion qui est humiliante. Donc, je ne crois pas à l'humiliation dans le processus d'éducation. Maintenant, la correction peut avoir sa place quand elle est modérée, quand elle est expliquée, et surtout quand elle se fait sans instrument. Alors, on a un premier texto au 06 92 70 2000. Quelqu'un qui nous dit « Bonjour, sujet très délicat. La correction était peut-être justifiée, justifiée et mis entre guillemets, mais ce côté malsain d'exhibition, voyeurisme sur les réseaux sociaux me dérange profondément. » Et donc peut aller plus loin. Cette personne dit si après s'ensuit un suicide de l'enfant humilié, ce serait dramatique évidemment. Y a cet aspect-là, le traumatisme que ça peut créer chez l'enfant, Marie-Thérèse Huette. Alors c'est vrai que lorsque les maltraitances effectivement sont répétées et que c'est le seul mode éducatif qui est adopté donc par la famille, on le voit nous au niveau donc du département, puisque la plupart sur les 1800 enfants qui sont orientés en accueil familial notamment, on a une grande partie effectivement qui font l'objet de maltraitances, que ce soit physique ou sexuelle, et que en tout cas ces enfants-là ils sont traumatisés, ils ont donc des séquelles psychologiques, psychiques, et qui nécessitent souvent, on l'a vu dans leur parcours, des prises en charge au niveau psychologique, donc au niveau médical. Et c'est vrai que ça reste donc de manière isolée, on peut l'entendre, mais si c'est répété, donc l'enfant à un moment donné, il inscrit et ça peut être effectivement, on va dire, handicapant pour lui et pour son développement. Alors, on a retrouvé cet extrait de l'interview de la maman du garçon de 16 ans, cette maman qui a posté cette vidéo, dans un extrait dans lequel elle explique son geste. « M'a pas fait ça pour détruire mon enfant. M'a pas fait ça pour que de mon ni mon katali. M'a fait ça pour que je protège Ali, justement. M'y regrette d'avoir mis la vidéo, ça c'était un fait, mais les faits. M'y accepte pas ce qu'il y a fait. Parce que, ouais, m'a jamais éduqué Ali dans les tapes de monde, moi. M'a pas éduqué Ali dans les vols de monde. C'est pas l'éducation d'une maman, ça. M'y acceptera pas que ni ça va dans la délinquance. M'y va tout faire pour tirer mon maman dans la délinquance. » Voilà, tout est résumé pratiquement dans ce que dit Cécile, des propos recueillis par Pierre Komorasamy. On entend Marie-Josée Richard, cette maman, dire « je veux pas le détruire, je veux le protéger ». Oui, mais c'est bien ce que je... Pour moi, effectivement, c'est ce que je ressentais, mais c'est l'utilisation de la violence qui n'est pas le bon outil. Et je rejoins ce que disait M. Elisabeth à l'instant, que c'est peut-être tout ce qui se passe actuellement et peut-être l'occasion de montrer qu'il y a d'autres outils maintenant de communication qui permettent à chacun d'évacuer la colère qu'on peut avoir en nous pour vis-à-vis d'un comportement de quelqu'un et utiliser d'autres outils. À quels outils vous faites référence, Madame Richard ? Monsieur Elisabeth parlait de communication non violente. Oui, voilà. Exactement. Vous avez la communication non violente, vous avez aussi, je ne sais pas si vous connaissez les outils de la méthode ESPER. Alors, vous pouvez nous en parler plus concrètement ? Rapidement, la méthode ESPER est une méthode qui est mise en place par Jacques Salomé et qui permet effectivement de mieux communiquer avec soi-même et avec les autres. Donc effectivement, déjà de faire la différence entre la personne et le comportement. Cette maman, elle n'était pas en colère contre son fils, elle était en colère contre le comportement. Déjà, faire la différence entre la personne et le comportement, c'est capital. Et puis, moi, ce que j'entends chez cette maman, c'est qu'effectivement, elle aime son fils. Elle aime son fils, c'est évident, mais effectivement, elle a utilisé les moyens qu'elle connaît. Peut-être qu'elle ne connaît pas d'autres moyens pour éduquer, mais c'est effectivement dire qu'il y a d'autres moyens d'éduquer. Et si cette maman, elle avait pu dire, effectivement, mettre sa colère de côté, et puis dire, voilà, que quand elle voyait son fils, effectivement, lui montrer, comment elle pourrait dire, elle aurait pu lui dire qu'elle se sentait complètement, je ne sais pas, triste et démunie de le voir ainsi. Voilà, déjà, elle aurait pu parler d'elle et puis de lui faire part du désir qu'elle a de le voir agir de manière honnête. D'accord. Voilà, c'est des outils de communication. Et pour moi, les outils de communication sont vraiment, c'est ce que dit Jacques Salomé, hein, je vais répéter ce qu'il dit. Qui est psychosociologue, hein, voilà, exactement. Bien connu. Voilà, et c'est pour lui, la communication est le seul antidote à la violence. Et je partage tout à fait cet avis. Punition, quelles limites envers les enfants ? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et ce débat vous intéresse évidemment. Il y a Patrick qui nous appelle au standard depuis la ville du Port. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. C'est un sujet délicat, certes. Mais moi, ce qui m'interpelle, votre plateau un peu là, aujourd'hui, le petit jeune, c'est une victime. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais j'aimerais bien que vous invitiez les gens qui étaient passés à tabac par ce petit jeune, qui a été volé par ce petit jeune. Quel traumatisme il vive. Est-ce qu'il y en a qui se sont mis à la place de ces gens-là? C'est pas sa première fois, la première fois que ça se passe. L'interpellation, ça fait un moment qu'on en discute, que ses parents discutent avec. Mais, excusez-moi le mot. Le mot bad boy, le petit caïd, c'est bien exactement ce qu'il est en train de mettre en place. Aujourd'hui, on reproche une mère qui doit donner une fessée. Moi, je n'en disconviens pas. C'était pas bien, la vidéo. Mais, laisser ce jeune-là faire ce qu'il est en train de faire dans ce qu'il est déjà, je ne pense pas, excusez-moi avec l'expression, c'est un sujet délinquant. Alors, vous parlez de fessée, vraiment une fessée, non, Patrick. Oui, je vous dis franchement, non, c'est pas ça qui va le tuer. Et la personne qui l'a frappé, deux coups de ceinture, ça tue pas un enfant. Non, je ne le crois pas, et ça, je vous dis franchement, j'en ai eu pire que cela. Si aujourd'hui, j'ai jamais frappé personne, j'ai jamais volé personne, c'est pas pour autant que je veux faire conneries, et je veux aussi frapper mes enfants. Je ne le fais pas. Parce que j'arrive à donner l'éducation, encadrer, avoir l'œil dessus. Mais cet enfant-là, apparemment, il s'en fout complètement. C'est pas la première fois, c'est un récidiviste, je dirais, envers cette maman. Personne ne se met à la place des victimes. Moi, j'aimerais bien que là, en ce moment, les victimes qui ont déjà subi avec ce petit jeune, qui viennent témoigner. Merci. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez changer d'avis beaucoup là-dessus, sur le plateau. Alors, on va demander à nos invités s'ils pensent changer d'avis, parce qu'ils connaissent ces questions-là. Ce sont des spécialistes, évidemment. Johan Elisabeth Ménager, pour réagir. On entend ce monsieur dire en quelque sorte, enfin, c'est en filigrane si je traduis, on utilise une violence un peu proportionnelle à celle de l'enfant. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Oui, maintenant, dans ce qu'elle nous a dit Patrick, et je le rejoins là-dessus, on n'arrive pas à ce genre de fait du jour au lendemain. D'accord ? Il y a effectivement un caractère multirécidiviste des actes qui ont été posés par ce jeune. Il est responsable de ces actes-là. Il a été auteur de faits. Ensuite, lui, il a été victime d'une certaine violence. Maintenant, ce que je disais au début, j'aimerais prendre de la distance avec ce cas particulier qui maintenant est dans les mains de la justice et pousser une réflexion, comme le disait Madame Richard, sur les nouveaux moyens qui existent maintenant. C'est pas tellement qu'ils soient nouveaux, c'est qu'ils aient été formalisés et qu'ils aient été mis en œuvre dans des ghettos aux États-Unis notamment. Et avec des résultats concrets au niveau de la baisse du taux de criminalité. Et donc, ces moyens ont été transférés et pérennisés maintenant. Ils sont diffusés par de nombreux formateurs, de nombreux animateurs, par des associations aussi. La communication non violente qui a été formalisée par Marshall Rosenberg, où l'on fait part par rapport aux faits, de ses sentiments, ensuite de son besoin et puis de la demande qu'on peut avoir derrière. Maintenant, je ne suis pas là pour excuser ce qu'a fait ce jeune. Je respecte énormément les personnes qui ont été victimes des faits qu'il a pu poser. Maintenant, la violence pour moi n'est pas une solution. Et elle intervient lorsque l'on manque souvent de vocabulaire. Ces nouveaux moyens de communication viennent mettre des mots là où on serait tenté de mettre des coups par mimétisme. J'aimerais juste attirer l'attention de tout le monde. Je suis parent moi-même. Donner une correction à un enfant, c'est quelque chose qu'on peut être amené à faire. Pour ma part, quand ça m'arrive, j'en suis pas fier. Donc j'ai cherché pour pouvoir trouver ce terrain d'entente, pour pouvoir avoir une certaine sérénité dans ma vie de parent, d'autres moyens de communiquer avec mes enfants. Et je peux vous dire que c'est pas facile, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des choses à expérimenter, à mettre en place. Mais il y a une certaine fierté, il y a une certaine quiétude lorsqu'on arrive à dire à son enfant « J'ai peur pour toi, j'ai besoin que tu réussisses, je t'aime » plutôt que de le dire avec des coups et qu'ensuite on regrette. Parce que je rappelle quand même que cette mère regrette aujourd'hui la diffusion de ces faits. Oui, elle l'a dit aux différents médias. On va retourner au standard 02 62 99 2000. Vous aussi, vous pouvez nous appeler. On accueille Henri Duport également. Bonjour Henri. Bonjour. Henri-Claude, pardon. Oui. Moi, je voulais témoigner pour cette dame au niveau de son fils. Ben, moi, je trouve qu'il avait raison de corriger son... J'ai peut-être pas passé la vidéo, mais de corriger son enfant, il avait entièrement raison. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on voit toutes ces choses qui se passent avec les jeunes, qui des parents, des jeunes traitants dans la rue, ils ne font rien avec les enfants. C'est ça aussi, les parents ils doivent prendre un pépin avec les enfants. Hein. Et maintenant, on dit on ne fait plus frapper les enfants. Pourquoi on ne fait plus frapper les enfants? Le gouvernement il tolère aux enfants faire n'importe quoi. Mais c'est inadmissible. Parce que quand on a des enfants sur son toit, et là, vous n'avez plus le droit de le corriger et de faire et laisser les enfants de monter, de crier envers vous et de dire n'importe quoi et de vous insulter. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Mais la mère, je le félicite parce qu'il a très bien fait de corriger son enfant. Pour moi, qui ne peut pas aller plus loin, son fils. Parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans la rue? Toutes ces jeunes, il y a des manques, comme je viens de dire, un manque de vocabulaire, qui a un manque de respect envers les plus vieux, qui n'ont pas un savoir de vie, qui fait. Et puis maintenant, à l'heure actuelle, des enfants, c'est des enfants. Comment on va, de quel monde on vit maintenant? On vit de nulle part. Maintenant, moi, je vous dis, M. Dornier, avec vos invités qui m'écoutent, moi, je vous dis franchement, moi, j'étais avec mon père et ma mère sont décédés. Moi, j'ai reçu des coups avec la ceinture pour avoir assis devant la boutique et fumer une cigarette. Et cela m'a mis sur le droit chemin et jusqu'à maintenant, je ne sais plus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait d'autres solutions? Oui, il y en a d'autres solutions, mais un coup de feu, on ne va pas tuer un enfant. Alors, j'aimerais qu'on réagisse à cette remarque. C'est la deuxième, hein, vous êtes le deuxième à intervenir et le deuxième oui. À dire ça. Un coup de fouet, un coup de ceinture, ça tue pas un enfant. Marie-Thérèse Duet, là-dessus. Tout à l'heure, votre émission s'intitule donc Fixer des limites. Je pense que le rôle des parents, et c'est vrai que c'est aujourd'hui, on l'a vu, et les auditeurs ont raison. Il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, qui sont effectivement dans des conduites déviantes, qui volent, qui agressent, mais on a, et je suis d'accord effectivement avec les deux intervenants, on a également à s'interroger sur l'éducation qu'on donne dès la petite enfance. Je pense qu'à partir du moment, moi aussi je suis mère d'un garçon donc de 25 ans, dès le départ, à mon sens, il faut fixer des limites. Et aujourd'hui, en fait, dans la mesure où on dit ben, que les enfants, ils ont plein de droits, et donc les parents ont tendance parfois à passer les caprices des enfants, parfois même à devancer leurs besoins, parfois donc aller. Et je pense que, et ça, je suis pas psychologue, mais en tout cas dans le milieu dans lequel je travaille, on dit que justement un enfant, lorsqu'il est frustré, il apprend à un moment donné en fait donc à attendre, il apprend donc à intégrer donc des limites et avoir un cadre. Donc je pense que dès l'arrivée de l'enfant, il faut en fait commencer à fixer les limites. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus les parents qui fixent les limites, ce sont les enfants. Et je lisais en fait un bouquin où on dit les parents sont devenus des laquais donc des enfants. Et peut-être que nous, on a en fait à réfléchir. C'est vrai que les enfants ont des droits. On doit les considérer comme des sujets, prendre effectivement en compte leurs besoins, entendre donc voilà un peu leurs demandes, mais il y a des moments où lorsqu'ils veulent dormir à 22h, c'est à nous de dire ben 20h c'est l'heure et vous n'avez pas le choix. Et je pense que chacun d'entre nous, on a à ce moment-là à revoir la manière donc d'éduquer nos enfants, nos parents. Par rapport effectivement à ce que l'auditeur disait tout à l'heure, mes parents ne m'ont jamais tapé, mais ils m'ont donné un cadre. J'avais un père, j'avais une mère, donc on me disait effectivement, il y a une heure pour dormir, il y a telle chose à faire, et donc je rentrais dans le cadre sans forcément qu'il y ait effectivement des coups qui me soient donnés. Donc à mon sens, il y a possibilité dès le départ à cadrer un peu donc les interventions à les parents donc à cadrer leurs enfants. Mais la question c'est une fois qu'on est un petit peu dépassé, je me tourne vers Marie-Josée Richard, parce que là on est dans un cas où la maman, visiblement, elle est dépassée. Elle dit qu'elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait, donner tout l'amour qu'elle pouvait, etc. Elle a trois enfants, un de 16 ans qui fait des bêtises. Comment, à ce stade-là, le ramener dans le droit chemin? C'est certain que c'est peut-être mon voisin, M. Isabelle, qui pourra répondre, puisqu'il est, il est médiateur familial, je pense que c'est pourtant plus lui qui pourra répondre que moi. Je voudrais simplement dire, moi, je pense qu'il est important de ne pas laisser faire, comme disait le monsieur tout à l'heure, et de poser un cadre. Et je voulais surtout dire que la violence reçue, elle reste en nous. Elle reste en nous tant qu'on ne l'a pas restituée. Et ce qui est important à un moment donné, je peux imaginer que si cette maman a beaucoup de violence et donne de la violence sur son enfant, peut-être qu'elle-même en a reçu aussi. Et à un moment donné, il est important pour chacun de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de la violence que nous avons pu recevoir. Je vais vous demander de vous rapprocher de vos micros. Je pense que vous en êtes un peu loin, Madame Richard et Monsieur Elisabeth Ménager également tout à l'heure. Oui. C'est ça, Monsieur Elisabeth Ménager. Généralement, les cas de violence sur des enfants que vous rencontrez, les parents qui donnent ces coups, ce sont des parents qui eux-mêmes ont reçu des coups également à l'enfance. Et puis, je voudrais que vous réagissiez sur la notion de danger que représente ou pas des coups de ceinture. Oui, effectivement, comme le disait Madame Richard, la plupart des parents qui sont auteurs de violence ont été victimes de violence. On assiste à ce cycle dans d'autres domaines, notamment l'agressé qui devient agresseur. Maintenant, pour sortir de ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux, il y a des moyens qui existent. Cette mère, bon, a déjà fait appel à l'aide, apparemment, puisque cet enfant est pris en charge par des structures ici à La Réunion. Il est quand même question d'un enfant qui a déjà eu affaire à la sphère judiciaire. Donc on parle de cas particuliers déjà, avant d'en arriver là. Il y a d'autres situations délicates que des familles gèrent au quotidien. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand nous étions enfants nous-mêmes, quand moi aussi j'ai reçu des corrections à la ceinture, je me souviens du sentiment de frustration et de la colère que je pouvais avoir en moi. Et qui pouvait ressortir des fois sur mes camarades de classe dans la cour de l'école. Maintenant, j'ai reçu des limites, comme pouvait le dire Madame Huette tout à l'heure. J'ai reçu un cadre qui m'a permis de voir quelles étaient les limites à ne pas franchir. Je tiens à dire aux parents que c'est eux, bien sûr, qui ont la responsabilité de l'éducation. Donc, le cadre législatif a évolué. Ce qui était toléré et permis à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Il faut mener donc une réflexion pour pouvoir cadrer un enfant avec les moyens qui existent aujourd'hui. On va retourner au standard, au 02 62 99 2000, direction Saint-Pierre, avec Philippe cette fois. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Réunion Première. Je voulais intervenir sur... un problème qui est vraiment récurrent, c'est taper son enfant, enfin frapper son enfant, mais il y a des moments où vraiment on en a besoin. Moi-même, j'ai une mère qui m'a pas vraiment tabassé, mais c'était à coups de ceinturon, et c'est pas pour autant à l'heure d'aujourd'hui que je me sens dépaysé par rapport à une société qui vraiment considère que la violence, elle est vraie, la violence, elle est belle, mais moi j'aimerais bien... La violence est belle, c'est un peu problématique ce que vous dites là quand même. Vous dites on en a besoin, qui en a besoin, le parent pour se défouler, mais pas l'enfant. Non, c'est pas le fait qu'on a eu besoin, mais moi-même, sincèrement, j'en ai eu besoin. Voilà. Et je pense pertinemment que c'est dans le cadre de pas mal de personnes qui se sont laissées perturber par les étrangers, enfin le côté extérieur, et qui font que voilà, et ben on devient ce qu'on est. Vous savez quoi? On est né tout petit et on est né marmaille. Hein, et le problème, c'est quoi? C'est que on a un problème qui existe autour de nous et on grandit avec. Merci Philippe pour votre témoignage. On a d'autres appels. Peut-être une réaction, Madame Huette. En fait, que la violence soit belge, je ne pense pas que ce soit, voilà, parce que tout à l'heure, effectivement, on a dit la violence engendre la violence. C'est vrai qu'il y a eu un mode d'éducation et tout le monde dit ah ben oui, moi aussi j'étais fouettée quand j'étais enfant et je ne suis pas morte pour autant. Mais ce qu'on est en train de dire, et je pense tout à l'heure, donc le médiateur l'a rappelé, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas. Et il faut que tout le monde et tous les Réunionnais l'entendent. Les punitions et les corrections sont tout simplement interdites par la loi. Donc, ça veut dire fessées, claques, les fessées, les claques. Donc c'est donc les encore moins les gros actes de maltraitance. Donc et vouloir faire l'apologie donc de la violence, je ne pense pas que ce soit la meilleure en fait solution, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les enfants réunionnais. Je pense qu'on a besoin en fait au niveau de la société réunionnaise d'avoir des enfants qui soient respectés. Qui pensent en fait non pas qu'ils sont que des objets en fait donc des parents mais également des sujets et qu'ils ont le droit qu'on fasse attention à eux, qu'on écoute. Et la violence tout à l'heure par rapport à ce que quelqu'un disait, c'est que elle peut être physique. Mais elle peut être également tout simplement soit non verbale. Ça peut être dans les gestes. Ça peut être, je peux avoir un enfant et puis le regarder et vraiment ne pas l'aimer et dire le contraire. Donc, je pense également dans notre manière d'agir et dans notre manière d'être et de faire, on a peut-être donc avoir un regard qui est différent donc que sur les enfants aujourd'hui. Dolto l'avait dit, ce sont d'abord des sujets et ce sont en fait des sujets qui ont des besoins. Spécifiques et ces besoins spécifiques là peut-être il faudrait effectivement qu'on soit suffisamment donc à l'écoute pour faire d'eux ben des hommes qui soient vraiment grands et responsables sans qu'ils aient recours donc puisqu'ils vont être de futurs éducateurs lorsqu'ils seront grands et qu'on fasse en fait vraiment de nos enfants des enfants qui soient heureux, épanouis et peut-être pas avec des souffrances parce que les souffrances on les porte parfois donc à vie. Tant qu'on les a, on les a pas effectivement extériorisés, et tant qu'il n'y a pas un travail de toute façon qui a été effectué pour comprendre ou pour évacuer, donc on va dire cette violence qu'on a gardée en fait dans nos corps et dans nos cellules parfois. Alors c'est pas un problème à part hein, à La Réunion, c'est 4500 mineurs signalés l'année dernière à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Vous à votre niveau, Marie-Josée Richard, avec votre association Enfance et Partage. Comment vous agissez ? L'association a deux axes principaux. Donc effectivement, nous faisons des actions d'information et auprès des écoles pour expliquer aux enfants quels sont leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Et nous recueillons aussi les informations préoccupantes que peuvent nous donner des personnes qui ont connaissance de maltraitance à enfants. Et à ce moment-là, donc, nous envoyons un courrier à la CRIP, qui est effectivement l'organisme chargé de récolter les informations préoccupantes et de les traiter. Et les violences les plus fréquentes que vous recensez, c'est de quel domaine ? C'est assez varié. Il y a des maltraitances physiques. Il y a beaucoup de maltraitances sexuelles. Et qui les signale ? Ce sont des proches des victimes ? Ce sont parfois les victimes elles-mêmes ? Les victimes, très rarement. C'est essentiellement les proches. C'est très souvent une maman, une grand-mère. On peut avoir une voisine, mais c'est essentiellement la maman ou la grand-mère. Voilà, ou quelqu'un, la famille très très proche qui a connaissance. On va retourner au standard. C'est Jeannot qui nous appelle de Sainte-Suzanne. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde, c'est Pato. Mis d'accord exactement le système de la position sur le plateau, mais bon, un peu d'accord qu'on part. C'est-à-dire, on s'en dit comme ça, corrige. Non, en fait, on a la différence entre corriger et frapper. Donc, frapper, c'est de taper l'enfant pour avoir un bleu slip, et corriger, c'est mettre l'enfant de droit chemin. C'est-à-dire, on s'en dit des choses que vous pensez que mon plan à maille. Corriger, c'est dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coup. Voilà, c'est de dire, mais en même temps, de mettre des appuis quand même pour dire que l'enfant, que voilà, des conneries qu'il fait, il faut arrêter, quoi. Des appuis, qu'est-ce que vous appelez des appuis, concrètement? Ah, ben mes appuis, c'est comme ça que moi, maladie, et Nico Marma est 5 ans, elle dit, moi, elle dit, papa, je t'aime plus, je prends chemin, je pars. Qu'est-ce, vous connaissez ma maladie, le portail est ouvert, il s'en va. Mais par contre, après, il s'en va, il enlève son linge. Bah, et là, le maman, elle a réfléchi deux coups, parce qu'en fin de compte, les enfants, là, ça les fait. Les capta où, et ils essayent, en madouéo, pour essayer de garder, justement, avec le système qu'ils mettent en place, que les enfants n'ont pas le droit à être battus, les enfants, ils testent les parents. Donc, nous, étant testeurs, nous va encaisser. Mais est-ce que l'enfant, il va tester ça au fur et à mesure, et les parents, ils vont encaisser, il ne guérira pas. Donc, moi, plutôt que le système, la femme l'a fait, n'est pas bien, elle devrait vraiment peut-être pas mettre sur les réseaux sociaux, mais, à la réunion, c'est pas une coutume. C'est une façon de corriger un enfant, c'est-à-dire comme ça, que l'enfant ne doit plus faire. Vous comprenez les coups de ceinture, voilà. Vous comment madame, monsieur, dis-moi franchement, je ne sais pas quel âge, on est à 38. Madame met des œufs dessus de sel, madame met une pierre américaine sur ma tête, et pas pour aujourd'hui, mais non. Mes trois enfants, ma femme, mon travail, et mes correct. Moi, jamais été battu, parce que comme ça, que mon papa l'a jamais tapé, moi, comme ça, ma blesse, mon maman. Non, mais con, tant que mon papa l'a mis à mon monde, mon papa l'a corrigé, à moi, comme ça, mon garçon, soit dans le bon chemin. Merci. Et Dieu, franchement, c'est la différence entre moi et mes frères, c'est que mes frères, là, il y a eu des corrections pareilles, mais c'était pas sur pas question de la vie de ce côté, mais ils ne regrettent rien de ma vie d'aujourd'hui. Jeannot, merci donc, pour voilà. Votre témoignage. Je voudrais faire réagir notre médiateur familial, Johan Elisabeth Ménager. Oui, j'aimerais juste dire une chose, c'est que nous ne sommes pas là pour condamner les parents qui peuvent avoir ce type de réponse. Parce que, comme a pu le dire Madame Richard ou Madame Huet, souvent, ce sont des modèles qu'on a eus, qu'on a reçus dans notre enfance. Seulement, aujourd'hui, j'interroge des parents. Essayez de regarder dans les yeux un enfant qui vient de recevoir une correction, qui, des fois, a dépassé, parce qu'il y a la correction, il y a taper, tabasser, il y a les sévices faites sur un enfant. Et là, on voit que c'est pas du tout du même ordre. Commencer dans cette voie-là, des fois, où sont les limites ? Telle est la question de l'émission. J'aimerais juste clôturer mon intervention avec une petite anecdote. En Inde, lorsqu'on élève des éléphants, quand il est petit, on l'attache avec une corde. Quand il grandit, c'est la même corde avec laquelle il est attaché. Simplement, depuis ayant eu l'habitude d'être tenu par cette corde petit, quand il est grand, il n'essaye même plus de tirer dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que des limites qui ont été bien posées depuis l'enfance, où l'on explique les choses à un enfant et qu'on le cadre, parce que ça reste les parents qui ont l'autorité et qui ont la responsabilité de l'éducation d'un enfant, eh bien, quand il est grand, il a les jalons pour pouvoir être un adulte qui peut faire le choix d'un autre mode d'expression que la violence pour pouvoir s'exprimer, même quand il n'est pas d'accord. Belle image que celle de cette corde. Je ne sais pas ce qu'en pense Marie, qui est au téléphone avec nous et qui nous appelle de Sainte-Anne. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Oui, c'est une belle image. Bon, j'ai bien apprécié. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, moi j'ai 60 ans, hein. J'ai vécu aussi dans cette violence pour corriger, pour mettre droit du chemin. Mais ça, faut se demander d'où vient tout ça, nos arrière-grands-parents. Hein, donc il y avait cette façon de corriger. Il faut remonter dans notre histoire. Et ça se peut que c'est là, quelque part, il y a quelque chose que le bas blesse. C'est que les mamans étaient tout seules pour élever les enfants. Les papas étaient au champ, étaient partout pour chercher à manger. Vous comprenez ? Et donc maintenant, c'est resté dans nos coutumes. Bon, c'est vrai que c'est battre un enfant, c'est pas bien. Moi, je l'ai subi. J'ai 5 enfants. Aujourd'hui, je n'ai pas fait subir ça à mes enfants. Vous comprenez ? Et après, cette histoire de psychologie qu'on a appris, nous, à la traîne, parce qu'il y a ça aussi. Si nous, on nous dit pas le pourquoi de la chose, ben on continue. Et donc, voilà, et voilà que c'est pour ça aujourd'hui que ça continue. Parce que là, aujourd'hui, moi, je suis en train d'écouter votre radio, mais il y a plein de mamans, papas qui n'écoutent pas. Vous comprenez ? Donc, à chaque chose... Ah bah, il devrait. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui fait que ben, on passe à travers des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne nous explique pas. Moi, à 60 ans, j'ai appris plus tard ce que c'est la psychologie, ce que c'est... Mais les créoles n'y croient pas, à cette psychologie-là. Vous comprenez ? Donc aujourd'hui, il y a encore une histoire, c'est-à-dire une leçon à faire aux parents, aux grands-parents de ces enfants-là. Après, pour arriver à donner un modèle, ce que le monde aujourd'hui veut, quoi. Hein, en tout cas, merci. C'est Marie, hein, c'est ça. Merci pour votre intervention. Il y a aussi... alors, attendez. Il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Élisée, qui nous dit « J'ai bien reçu des coups de tuyau d'arrosage, fil électrique, ceinture. Pourtant, j'ai 3 enfants que je n'ai jamais frappés. Les miens, je n'en veux pas à mes parents. J'ai bien grandi. » Et il dit aussi « Cette loi de ne pas frapper les enfants a poussé les jeunes à la dérive. Ces jeunes croient qu'ils sont tout permis. Ils profitent de la situation. Est-ce que ça renverse le rapport de force ?» Et puis après, on va conclure, Marie-Thérèse Vett. Alors, en fait, peut-être je vais me répéter, mais c'est vrai que l'image qui a été utilisée donc, par M. Ménéré, c'est ça ? Comment il s'appelle, le médiateur ? Élisabeth Ménager. Élisabeth Ménager. Elle est très belle et elle est très significative. Effectivement, moi, je crois... qu'à partir du moment où, dès la toute petite enfance, on arrive donc à poser des limites, à poser un cadre, je suis et je reste persuadée que les enfants, même s'il y a des dérives, à un moment donné, par rapport à ce qu'ils ont reçu, ils reprennent en fait le bon chemin. C'est vrai que par rapport à ce que l'auditrice disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup, la Réunion a fait déjà pas mal de choses, je pense au niveau de la PMI, au niveau des services sociaux, au niveau de l'éducation nationale, mais il y a une frange de la population peut-être qu'on a et qu'on n'arrive pas donc à toucher pour informer davantage sur comment éduquer autrement. Puisque nous, on a eu peut-être des images parentales donc, qui étaient, pas tout à fait en adéquation avec donc, la réglementation actuelle. Et c'est vrai que dans le cadre notamment du département, on est en train de travailler dans le cadre du schéma départemental donc, de l'enfance sur la possibilité de remettre en place des actions de sensibilisation à la maltraitance. Et peut-être pas parler de la maltraitance, mais au contraire, parler en fait de bientraitance. Comment aujourd'hui on amène donc les parents à parler, à travailler donc et accompagner autrement donc les enfants pour éviter qu'on arrive à la violence. Ce sera le mot de la fin, puisqu'on a déjà dépassé le temps. Merci à tous les trois. Marie-Thérèse Huette en studio avec moi, responsable du service d'accueil en famille au département. Marie-Josée Richard et Yohann Élisabeth Ménager qui étaient en duplex de notre studio de Saint-Pierre. Merci à tous les deux. Merci à vous. Respectivement délégué départemental d'enfance et partage et médiateur familial. C'est dans l'actu, revient lundi. Demain, comme tous les vendredis, ce sera votre magazine Dans les coulisses. Cette semaine, dans les coulisses de la visite de Latifa Ibziaten à La Réunion. Mohamed Merah lui a enlevé son fils de 22 ans, premier militaire victime du terroriste. Depuis, elle propage un message de paix dans le monde entier, un message que Karl Sivat nous fera partager demain dans le 12-13. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et la suite, c'est avec Ingrid sur la première. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascareigne. Réunion Première au cœur du Grand Raid, avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère. Très cher. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Le salon de la micro-entreprise se tient actuellement à Paris. On y trouve des spécialistes de l'accompagnement à la création d'entreprises, des financeurs et des professionnels de la communication. Témoignages de quelques visiteurs qui souhaitent devenir leur propre patron avec Tessa Groman dans la Chronique Éco. La Chronique Éco, Tessa Groman.

Or, pour le moment, rien n'est prêt pour accueillir ces personnes. Elles sont entre 7 et 10 000. Le défenseur des droits a demandé des informations à Bernard Cazeneuve sur ce sujet. Le projet du gouvernement est de transférer ces migrants dans des CAO, des centres d'accueil et d'orientation qui seront ouverts en région. Et cela crée des tensions dans certaines communes. Dernier exemple, hier soir à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, sur le littoral, la façade d'un futur centre a été visée par des tirs d'armes à feu. Yannick Horry est le maire de cette commune de 12 000 habitants. Il condamne cet acte. Cet acte est inadmissible et irresponsable et je souhaite que tous les moyens donc,